Depuis 50 ans, les politiciens français nous imposent l'immigration afin de détruire notre pays et détruire notre pays. Les Arabes, vous êtes des connards, vous êtes tous des sales connards. On va vous crever les Arabes, vous allez mourir les Arabes. Il est temps de l'exécution, de la démélanisation. Les Arabes, vous êtes des connards, on va vous crever, sale pignoul. Les Arabes, vous êtes des connards, vous êtes tous des sales connards. On va vous crever les Arabes, on va vous pourrir les Arabes. Depuis 50 ans, les politiciens français nous imposent l'immigration afin de détruire notre pays et détruire